Le 20h incite à la guerre, vas-y débranche la vérité. Les meilleurs partent les premiers, ça c'est bien la vérité. À vrai dire, je m'en bats les couilles de ce que tu penses dans mon rap. C'est vrai qu'on dit pas des conneries et c'est pour ça que les démorales c'est démoralisant, mais on s'y fait à la longue. Tous ces médisants sont des putes, on reste comme un cheval à la longe à Londres. Sans motivier depuis belle urette, on vient percer. Non, juste mets ta couille, tu ailles dans ton urette. Bah ouais, les hostilités n'ont rien à faire là, c'est triste à dire, mais on vit dans un monde infernal. Je suis qu'un penseur rêveur qui s'inspire des faits de ce monde. En l'utile à l'agréable parce que je connais les faits de ces mots. Les faits de mode qui poussent les MC à faire les ricains. Je suis pas dans la tendance, tu sais, leur son me fait faire ricaner. En 6 années de peura, mon rap est devenu écoutable. Sans cours d'écriture, ni ma bouche sous la table. Des crises qui nous entourent avec la voix rauque. Ma vision des choses l'impose sur des tracts. C'est y'a trop de trucs qui t'incitent à l'isolement. À l'ancienne et bon moment, nos cerveaux ça ils en mangent. Génération qui a mauvaise mine, comme le jour de mon Waterman. Gère les traces de certaines blessures que je compare à des Watersons. Génération qui prend les devants sans mettre un pas devant l'autre. Baisons son fil d'avant car les beaux jours sont devenus des fantômes. Fois je tutoie le papier comme s'il me restait que ça comme pote. Je sais que je fais des jaloux, par derrière ça complote. Des gens sans personnalité, y'a beaucoup de faux, c'est ce qui s'avère. Quand faut parler de ce que l'on est, ces bouffons se rangent dans le côté adverse. Je vois des jeunes pompiers vouloir faire cramant de voiture et des jeunes officiers vouloir taper de la garde à vue. Si tu portes l'uniforme, tu seras pas de l'autre côté de la crâne. Comme pull, retourner ta veste, regarde-la pour le camouflage. Système pèse gueule et on s'en bat les couilles. Devant les costards, je me fous la honte avec mon poids à l'écrue. Une tasse, c'est comme le box, ce qui compte, c'est pas de la voix. C'est de savoir que ça vaut rien, mais ils ne le font pas croire. C'est pas la vraie vie qu'on voit derrière les sons gratis. Les mythos s'attisent dans le faux, les cerveaux vacillent. On nous met plus de bâtons dans les roues, mais des putains de bastins. Y'a des clochards dans les rues quand l'UMP tape le festin. J'décris ce qui nous entoure avec la voix rauque. Ma vision des choses, je la pose sur des tracts. T'sais, y'a trop de trucs qui t'incitent à l'isolement. À l'ancienne, les bons moments, nos cerveaux, ça ils en mangent. Génération qui a mauvaise mine, comme le jour de mon Waterman. Gère les traces de certaines blessures que je compare à des Watersons. Génération qui prend les devants sans mettre un pas devant l'autre. Baisons sous fil d'avant car les beaux jours sont devenus des fantômes. J'ai dans mes pensées, je ne peux pas dire que tout est clair. J'attends le bout du tunnel, là où tout s'éclaire. Là où je pourrais vivre avec le sourire aux lèvres. Où y'a pas de pénalité pour mon passé de mauvais élève. Pour l'instant c'est pas ça la bonne humeur, je l'économise. J'ai pas pris cours d'orictus comme ces connes de Nice. Je suis pas toujours loquace à causer pour rien dire ou à briser la glace. Juste histoire de dire qu'on dise de moi que je ne suis pas sympathique. Je m'en bats vraiment comme de la Saint-Patrick. Une lutte perdue d'avance, celle de l'étiquette qu'on colle. Tu sais bien que pour une couleur ou une façon de vivre on se recale. Il en faut peu pour déplaire de nos jours. Tous ces préjugés me font pécher, je te jure. Nombreux sont les discours basés sur la tolérance. Ouvrez les yeux, ces problèmes se régleront pas en conférence.